qu'aurait pu faire contre vent. Pas malin ceux qui avancent démasqués. Thank you. quelqu'un. De toute insurrection, rien ne manque au triomphe de la civilisation, la capacité de récupérer. Thank you. Alors que pour les carottes, c'est 3 quarts d'heure. Arrêtez d'être impatient. We'll be right back. avait pourtant prévenu. L'avait dit, moi qui est le prophète, et le malheur, tu l'as voulu. Tu l'as choisi. L'avait bien dit, être le monde, de temps. Pas dehors. guitare. Dis encore une guitare. On parle avant les fondements. Parce que les guitares parleront. Si on attend toujours demain. Thank you.